Kyuki, c'est top, Harry Cobb. C'est The Dog, trop déter, illégal, le sort des gangsters. Bienvenue au royaume des tapeurs. C'est The Dog, ton retour, gros c'est l'inspecteur. C'est The Dog, trop déter, illégal, le sort des gangsters. Bienvenue au royaume des tapeurs. C'est The Dog, ton retour, gros c'est l'inspecteur. Un gros sous bitchin, trop frais, ta ego, ma plume, costard, des retards, pas le temps de chaler. Après deux ans, t'es toujours traumatisé. Coup de griffe, c'est l'animal. Mon rap, le tien est banal. Tu veux du Luna, ce dog, la doublette, c'est la même. Je surgis, t'as une vague de tsunami. J'ai pas de la merde, moi mes textes sont réfléchis. Attention à tes oreilles, mes graines vont t'aveugler. Je suis sur le tel un vautour, c'est le retour du guerrier. Coup d'arnaque, c'est le sang qui se met des claques. Tu veux que tu aies dans les yeux, rien de te dire au hasard. Faites pas plus longtemps que vu, ils ont pas assez de preuves pour m'inculper. Le sang de la street, plus rien peut m'arrêter. Suive la galère, la quête improvisée sur le terre-terre de ma tête. C'est The Dog, trop déter, illégal, le sort des gangsters. Bienvenue au royaume des tapeurs. C'est The Dog, ton retour, gros c'est l'inspecteur. C'est The Dog, trop déter, illégal, le sort des gangsters. Bienvenue au royaume des tapeurs.